Vous écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Game Ozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Alors c'est une émission un peu particulière, hein, parce que c'est la première fois que je fais une interview à la fois au studio et par téléphone. Donc pour m'accompagner, je suis avec Julien, Catel et François. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Ça Bonjour. Va bien. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en tour de rôle à nos auditeurs ? Eh bien, alors, qui commencez, allez-y. Alors, j'ouvre le bal. Eh ben, je suis Catel Donis, je suis comédienne, metteuse en scène et adaptatrice pour le spectacle que nous jouons avec Julien cet été à Bussan. Moi, je suis Julien de Rivaz, je suis acteur sur ce spectacle et j'ai participé à la mise en scène avec Catel et à l'adaptation aussi. Et je suis François Rancillac. Dans la vie normale, je suis metteur en scène. Et dans la vie exceptionnelle, je suis président du théâtre, de l'association du Théâtre du Peuple, Maurice Potcher. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le Théâtre du Peuple, François ? Oui, avec plaisir. Ben, c'est un lieu incroyable, exceptionnel, comme je le disais. Un lieu qui va bientôt fêter ses 130 ans, qui a été fondé par le poète Maurice Potcher, qui est donc un enfant du pays, puisque les Potcher étaient des industriels qui fabriquaient de la coutellerie. Maurice est un poète qui avait vraiment pignon sur rue, on va dire, dans le tout Paris littéraire, mais qui a vite été très, comment dire, dégoûté d'une certaine manière de ce qu'était devenu la littérature et surtout le théâtre, qui n'était plus à Paris qu'un divertissement plutôt dégradant, à son avis, pour le public et pour la littérature elle-même. Donc il a décidé, comme ça, après un sens de réflexion, de discussion aussi avec d'autres intellectuels et hommes et femmes de théâtre qu'il côtoyait, il a décidé de revenir au pays pour, d'une certaine manière, revenir aux sources, régénérer le théâtre. Revenir au pays, ça voulait dire faire du théâtre ailleurs qu'à Paris, au plus près des populations. Et petit à petit, il a fabriqué, avec l'aide de tous les ouvriers et puis de tous les habitants du coin, ouvriers, patrons, ils ont ensemble fabriqué un théâtre incroyable, je pense qu'il est unique au monde, qui est cette énorme bâtisse en bois qui peut accueillir 800 personnes. Donc tout est en bois, du plafond au plancher en passant par les bancs, avec une immense scène. Et scène qui est surtout connue pour s'ouvrir sur la forêt qui est juste derrière. Donc le fond de scène est constitué de grandes portes coulissantes qui, en s'ouvrant, laissent entrer la nature dans ce qu'il y a de plus artificiel, c'est-à-dire l'art, le théâtre. Donc c'est un endroit incroyable qui veut, d'une certaine manière, provoquer la rencontre entre le public et ce qu'il y a sur le plateau, puisque tout de suite, Maurice Potcher et sa femme, qui était Georgette Camet, qui était une grande actrice de l'époque, tout de suite ont voulu mêler aux acteurs professionnels des acteurs amateurs du coin. Donc c'est aussi la tradition à Bussan que sur le plateau, pour le grand spectacle de l'après-midi, il y a maintenant 2/3 d'amateurs aux côtés d'un tiers de professionnels. C'est-à-dire qu'il y a sur scène la même diversité sociale, culturelle, qu'il doit y avoir dans la salle. Voilà, et c'est cette grande folie qui était vraiment une folie, une utopie à l'époque, qui a pris corps au fur et à mesure, qui a eu une dimension vraiment nationale, voire internationale, qui continue à vivre, bon gré mal gré, depuis donc 130 ans. Et aujourd'hui, c'est deux spectacles, hein, l'après-midi et le soir. Et puis surtout, en dehors de l'été, qui est le moment fort, il y a plein d'ateliers en direction des amateurs, en direction des jeunes. Il y a plein de petites formes, c'est-à-dire de petits spectacles qui se baladent dans les campagnes, dans les petites villes, des spectacles qui sont joués dans les salles des fêtes, dans les salles paroissiales, dans les cafés, etc., pour amener le théâtre au plus près des populations, pour que le théâtre soit un lieu crée du désir, de l'envie, et que qu'on ait ensuite envie éventuellement de revenir l'été dans les grandes représentations, voilà, pour sous la devise de Potcher qui est « Par l'art pour l'humanité ». Voilà, très très rapidement dit. Et comment est-ce que vous avez découvert le théâtre Le Peuple, vous, Julien et Catel? Alors moi, je l'ai découvert, j'en avais déjà entendu parler, hein, quand on fait du théâtre, quand on étudie le théâtre, on nous parle du théâtre du peuple, sous sa forme un petit peu mythique, en nous disant « c'est un monument historique ». Et le fond de scène s'ouvre sur la forêt. Donc j'avais déjà vu sur Google Images un aperçu de ce lieu. Et puis en 2019-2020, le directeur de l'époque, Simon Delétang, m'avait proposé d'y venir travailler durant l'hiver pour faire des actions culturelles. Donc concrètement, j'avais la petite voiture du Théâtre du Peuple et puis j'allais d'école primaire en école primaire dans la région donner des cours aux enfants de théâtre. Et puis aussi, cette année-là, je suis venue pour la première fois en tant que spectatrice durant l'été avec mon ami Julien de Rivaz. Moi, j'avais... Il y a 10 ans, j'étais dans une école de théâtre à Rennes, en Bretagne, et une de mes amies de promo m'a proposé de venir faire le bénévole dans un théâtre dans les Vosges, un théâtre qui avait l'air complètement dingue, où ils avaient besoin de bénévoles chaque semaine une nouvelle équipe, et on faisait un petit peu tout, et je l'ai suivi un petit peu aveuglément, comme ça, et je me suis retrouvé au Théâtre du Peuple. J'ai complètement halluciné de la beauté de ce lieu, de ce public complètement fou, qui vient en masse, qui est généreux, qui est assoiffé de théâtre. Qui est exigeant aussi. Ouais. Et de cette scène magnifique, de ce lieu complètement unique. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et je suis revenu donc il y a quelques années avec Catel en spectateur. Et voilà, la boucle est bouclée. Et depuis 2020, moi, je viens un petit peu régulièrement pour le travail, pour voir des spectacles. Voilà, il y a un petit lien qui se tisse au fil du temps, ben, et qui prend beaucoup d'envergure cet été. Et vous êtes d'origine d'où, vous tous les deux? Vous êtes de la région parisienne? Alors, en ce moment, on vit à Paris, à côté de Paris, tous les deux. Mais à la base, moi, je suis de Savoie. Donc il y a quelque chose, je pense, comme ça, au fond du cœur de la montagne qui lié à ce plaisir d'être ici, je crois. Moi, ici, je suis très loin de mes racines. C'est vrai que je vis depuis 10 ans en banlieue parisienne. Mais avant cela, j'ai fait mes études à Saint-Étienne. Avant cela, je suis née à Nantes. Je suis bretonne de cœur. Mais aussi avant cela, j'ai grandi en Polynésie française. Voilà, donc j'ai pas mal voyagé. Et les Vosges, c'est très exotique pour moi. C'est ni un paysage, ni un climat auquel je suis habituée. D'ailleurs, la première fois que je suis venue pour travailler durant ce fameux hiver 2020, j'ai pris une grosse frayeur en conduisant pour la première fois de ma vie dans la neige. Voilà, pour l'anecdote. Et que ça soit en tant que comédien ou en tant qu'organisateur, François, Julien et Catel, est-ce que vous avez souffert du confinement en 2020, vous ou pas? Dans l'année 2020, oui, le Théâtre du Peuple a dû fermer, comme la plupart des théâtres de France et de Navarre. Et donc, on a annulé avec vraiment... C'est un gros chagrin. On a annulé la saison d'été qui était prévue par Simon Delétang, donc qui était directeur à l'époque, donc qui avait imaginé tout un programme Hamlet que heureusement il a pu remettre sur pied l'été dernier, en 2022. Voilà. Donc ça a été un théâtre fermé pendant plusieurs mois. C'était triste. Voilà. Et à titre personnel, moi, j'ai pas souffert du confinement puisque ça a été un moment de retrouvailles familiales, un moment où j'avais un bébé. Et comme vous savez, c'est un métier qu'on fait qui nous amène beaucoup à partir loin du foyer, à être sur les routes. Et voilà, donc c'était pour moi un moment assez réconfortant, paradoxalement. Mais professionnellement, par contre, et aussi pour le spectacle qu'on venait juste de fabriquer, Julien et moi. On a été très impactés, et on a été très impactés sur le moyen long terme. C'est-à-dire que on a eu du mal, on a presque cru que le spectacle était mort-né, puisqu'on l'a créé à la fin de l'année 2019, et le confinement est arrivé très vite derrière, et nous n'avions pas de partenaires, nous n'avions pas vraiment de coproducteurs, de salles qui nous disaient « on va vous programmer ». Et donc du coup, on a vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps, hein, trois années, pour donner de la visibilité au spectacle qu'on avait fait juste avant. Et il a fallu avoir la foi pour qu'on ne laisse pas tomber et qu'on se dise, bon voilà, peut-être que ce spectacle aura une vie très infime, mais il aura quand même une vie et une belle vie. On veut, voilà, on y a mis du cœur, de l'énergie, on n'a pas voulu se laisser blaser, on va dire. Je savais pas que pour les spectacles, moi je pensais qu'une fois que c'était créé, vous montiez sur scène, c'était bon. Je savais pas qu'il fallait des sponsors, etc. Eh ben, en fait, les spectacles souvent commencent à se créer avant d'avoir les moyens. C'est-à-dire que il y a déjà tout un travail d'investissement personnel, de préparation, de répétition, d'invention. Là, en l'occurrence aussi, pour nous, c'était adapter quelque chose qui n'était pas théâtre à la base, qui était plutôt la retranscription d'une interview pour notre spectacle « Je voudrais parler de Duras ». Et donc, il faut d'abord montrer ces premières étapes de travail à des gens qui sont susceptibles soit de reprogrammer le spectacle pour lui donner de la visibilité, soit de donner de l'argent pour pouvoir avoir du temps de répétition, avoir des moyens pour de la lumière, un peu plus de décor, un peu plus d'éléments sur scène, tout ça. Donc tout ça prend du temps, de l'énergie, et ça a besoin d'alliés, ça a besoin de partenaires pour donner une chance au spectacle. Et ça a été très dur. C'est le premier confinement, le deuxième aussi a été très dur, parce que ça remettait vraiment très fort en cause la valeur même de l'existence de notre métier, de notre travail. Et d'un seul coup, on mesurait toute la précarité et les inégalités qu'il y avait entre les artistes. C'est vrai ce que tu dis, Julien. J'avais un petit peu occulté tout le discours qu'il y avait à ce moment-là sur les choses essentielles et non essentielles. Et d'être relégué au non essentiel, c'est vrai que c'était une souffrance pour nous. J'avais complètement oublié ça. Au milieu de tout ça, encore une fois, je crois qu'il est important de dire qu'on n'était pas les plus à plaindre. Oui. Parce qu'on était intermittent, donc on était déjà protégé par ce système-là, qui est un système unique. Et là, ça a vraiment créé des inégalités très fortes entre ceux qui étaient déjà intermittents et notamment les jeunes qui se battaient pour essayer d'avoir l'intermittence et qui ont vu ce Graal, si je peux dire, repoussé de un an, des fois plus longtemps, parce que ça les a vraiment fragilisés dans la construction de leur réseau, de leur outil de travail. Donc, je crois que c'est bien de dire qu'on n'était pas les plus à plaindre. La compagnie Bajour, qui héberge ce spectacle, elle était déjà un peu aidée par les institutions, par la région, par le département. Donc, elle a fait partie des compagnies qui ont pu bénéficier de petites aides comme ça. Et c'est pas le cas pour plein d'autres compagnies qui se sont retrouvées, du coup, avec moins d'aide, moins de soutien. Donc, on s'est fait aider, mais c'est pas pour ça que c'était pas difficile. Après, j'avoue que c'est assez dégradant ce terme non essentiel, parce que tout le monde a besoin d'argent finalement. Donc après, c'est vrai que les théâtres étaient fermés, etc., mais il n'y a peut-être pas besoin de donner cette nomination finalement. Ouais, c'était aussi très arbitraire en fait. Les métiers qui ont été classés non essentiels, on a été nombreux et nombreuses à se sentir sous-estimés. Je pense aux coiffeurs par exemple, mais je crois qu'il n'y avait pas que. Hein. Mais c'était très concret en fait, d'un seul coup. On mesurait aussi la place qu'on est censé avoir dans la société, quoi. Nous allons faire une première pause musicale avant de faire connaissance avec Julien et Catel. On vous laisse avec Hervé Villard et Caprice est fini. On se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de te décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. n'iront plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, oh c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, oh c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Julien Catel et François. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le son qu'on vient d'écouter ? Oui, alors c'est une chanson d'Hervé Villard, Capri c'est fini. Et on l'a choisie avec Catel comme une petite référence au spectacle Je voudrais parler de Duras. Parce que Marguerite Duras et Yann Andrea, qui est le couple dont il est question dans ce spectacle, c'est un couple qui s'est rencontré en été 80. Et ils se sont rencontrés en Normandie. Et au cours de cet été, ils partaient en voiture faire des balades et ils écoutaient de la variété à la radio. Et la chanson de leur été, c'est cette chanson-là, Capri, c'est fini. Et c'est aussi une chanson qui va rester comme ça très importante puisqu'elle est citée plusieurs fois dans des livres qu'ils écrivent. Notamment, il est question d'une anecdote comme ça où ils se disputent. Et Marguerite jette par la fenêtre des vêtements à lui et elle écrit, je sais plus quelle est la phrase de rupture sur ce vinyle, et elle lui lance le vinyle comme ça par la fenêtre. Et c'est adapté d'une histoire vraie ? Ça s'est vraiment passé ? Ça s'est vraiment passé, effectivement. On est en 82, ça fait 2 ans que Yann Andrea, il est avec Marguerite Duras, et ensemble ils écrivent, ils vivent ensemble, et c'est la première fois que Yann émet le désir de raconter un peu cette relation. C'est une relation particulière parce que elle échappe un peu aux catégories, on va dire, habituelles des relations amoureuses. Marguerite Duras, à ce moment-là, elle a 66 ans, je crois, au 68. Moment... 68 ans, au moment où... En tout cas, quand ils se rencontrent pour de... Au tout début de leur relation, l'été 80, Marguerite Duras a 66 ans. Et Yann Andrea en a combien? 28. Donc ils ont énormément d'années d'écart. De plus, Yann Andrea dit lui-même être aussi homosexuel, avoir des histoires avec les femmes, mais être aussi homosexuel. Et malgré toutes ces choses, il y a aussi un gros écart entre eux, c'est que Yann Andrea est un étudiant parmi d'autres. Il étudie la philosophie à l'université à Caen. Et Marguerite Duras est une superstar de la littérature. Elle écrit depuis des décennies. Elle est connue, reconnue. Elle écrit aussi pour Libération. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que on ne se dit pas que ces deux-là vont avoir une histoire d'amour. Et pourtant, ce fameux été 80, Yann Andrea arrive. C'est un fervent lecteur, admirateur de Duras. Depuis des années, il lit ses livres, il lui écrit des lettres d'amour. Elle lui répond une fois en disant « J'ai été malade, venez, si vous voulez, on va se rencontrer. » Et il y va, il se rencontre et il se quitte plus. Il se quitte plus et ils entament une relation d'amour passionnelle, conflictuelle et tout ce qu'on veut, mais une relation d'amour tout de même et qui dure 16 ans, puisqu'elle va jusqu'à la fin de la vie de Duras, qui est morte en 96. Et Yann Andrea est là avec elle aussi. Au moment de sa mort, ils sont toujours ensemble, toujours dans cette relation, et j'ai envie de dire, et même au-delà, puisque maintenant que Yann Andrea est décédé lui aussi, ils partagent la même stèle au cimetière Montparnasse, ils sont enterrés ensemble. Et en 82, il fait pour la première fois une interview auprès d'une journaliste qui s'appelle Michèle Manceau, qui est une amie de Duras, et... C'est une interview qui va durer sur 3 jours, comme ça. C'est des enregistrements qui sont faits sur des cassettes. Et ces cassettes vont rester pendant plus de 30 ans dans des tiroirs. Et à la mort de Yann Andrea en 2014, sa sœur Pascal retrouve les cassettes, retranscrit cette interview et donne ce texte à l'éditrice de Yann Andrea, qui va l'éditer comme un texte. Et ça ressemble à une pièce de théâtre, puisqu'il y a des questions d'une journaliste, et il y a les réponses. Ça fait un espèce d'entretien, comme ça, c'est des très longues réponses de ce Yann Andrea, qui, à ce moment-là, qui a 30 ans, quasiment, et qui est au cœur de sa relation avec Duras. Ça fait que 2 ans, et ils ont déjà vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. Mais il arrive très, très bien à raconter la folie que c'est de collaborer et d'aimer une écrivaine, de travailler avec elle puisqu'ils écrivaient ensemble. Il était vraiment au plus près de son travail et c'est quelqu'un, on le voit dans le spectacle, de très particulier, qui a un rapport comme ça d'une ferveur presque religieuse avec Duras, d'une intensité comme ça de servir la littérature, servir l'art en étant auprès d'elle. Et du coup, c'est quelque chose de très fort pour lui. Ce trouble qu'il y a entre la réalité et la fiction, c'est quelque chose qui convient très bien à sa personnalité. Et c'est ça qu'on aborde dans ce texte. Donc avec Catel, on s'est servi de cette interview et on l'a adapté. On le disait tout à l'heure, on est adaptateur et metteur en scène de ce spectacle parce qu'il était question d'enlever la question de la journaliste pour en faire un monologue. Et après, il a fallu un peu peaufiner la place de chaque phrase pour transformer cette interview qui avait été faite en plusieurs jours en quelque chose de plus linéaire, de plus... De plus autonome. Et de plus cohérent. Oui. C'est-à-dire que là, on a une heure de texte de Yann Andrea qui ne répond plus à des questions mais qui prend la parole tout seul pour raconter cette histoire, sa propre version des faits et des sentiments. Devant les spectateurs et devant moi, qui suis sur scène à côté de lui. Il y a effectivement cette présence féminine qui est très mystérieuse, qui est du coup volontairement peu définie. On aime ce trouble-là que ça fait, ça crée vraiment des discussions chez les spectateurs après, parce que elle porte un col roulé comme le faisait Marguerite Duras. À la fois, on se grime pas, on n'est pas déguisé en autre chose que nous. Donc, on joue aussi à juste être nous-mêmes sur scène. Et puis, c'est peut-être aussi cette journaliste. Ça peut être aussi une régisseuse, une metteur en scène, une souffleuse, une psychanalyste. Oui, c'est vrai, certains ont vu en moi une psychanalyste, je n'y avais jamais pensé. Et je trouve que c'est beau de laisser la chance à l'imaginaire des spectateurs de remplir cette présence féminine de ce qu'ils ont envie de voir et qu'est-ce qui leur permet de mieux entendre ce texte. Avant de continuer de parler du spectacle, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre profession de comédien ? Volontiers. Eh bien, moi, j'ai toujours à cœur de dire que c'est un métier qui s'apprend, qui se travaille, enfin comment dire, que c'est un métier proche en fait de l'artisanat. Il s'agit d'un artisanat des mots, du texte, et pas que, mais essayer d'un petit peu de sortir d'une sorte de mythologie du talent, de quelque chose d'inné et aussi de quelque chose de filial, parce que je pense que c'est important de considérer que c'est un métier comme un autre et que aucune place n'est réservée. Bon, de fait, certaines places sont réservées, plutôt au cinéma qu'au théâtre. Mais en tout cas, voilà, c'était un rêve pour moi depuis très longtemps, depuis toute petite, d'être actrice, quoi. J'avais un fort sentiment, une forte émotion, voilà, quand je pensais justement à la fiction, à la réalité. Et je me souviens que quand j'étais au lycée, je tiens à préciser que je ne viens pas du tout d'une famille d'artistes. Je viens d'une famille de fonctionnaires. Mes parents étaient douaniers. Et dans ma famille, voilà, on est plutôt agriculteurs, pêcheurs, et puis on devient fonctionnaire sur la génération suivante, qui est celle de mes parents et aussi celle de mes sœurs. Donc rien ne me prédestinait ou me confortait dans ce choix de profession artistique. Et donc quand j'étais au lycée, en terminale, il y avait ce fameux rendez-vous avec la conseillère d'orientation du lycée. Et j'ai eu le courage de lui dire, j'aimerais bien devenir actrice. Le courage et la naïveté aussi. Et elle a eu le grand professionnalisme de me répondre, je ne sais pas comment on devient actrice, je vais me renseigner et on se verra lors d'un prochain rendez-vous. Et entre-temps, elle s'était renseignée. Et elle m'a donné toutes les informations objectives pour faire une formation publique et gratuite pour devenir actrice. Et j'ai fait tout comme elle m'a dit. Non sans difficulté, parce que j'avais pas de culture théâtrale, j'avais pas de bagages culturels suffisants. Donc j'ai raté le concours du Conservatoire Régional de Nantes une fois, deux fois. Et en parallèle, j'ai fait des études de lettres à la fac, qui était très complémentaire. Et à la fac de Nantes, il y a un théâtre universitaire qui est formidable. Et je suis devenue ouvreuse en job d'étudiante. Et en fait, toutes ces années-là, autour de mes 20 ans, m'ont aidée à accumuler de la culture théâtrale et à affirmer cette envie et cette foi. Et puis après, je me suis suffisamment formée pour pouvoir faire le parcours public dont elle m'avait parlé. Donc, conservatoire régional, et puis après, école nationale, à Saint-Étienne, donc, où j'ai rencontré François Rancillac, qui dirigeait l'école et le théâtre à ce moment-là. Et voilà. Et en sortant de l'école, j'ai commencé à devenir, à travailler en tant que comédienne, et j'ai fêté cette année mes 10 ans d'intermittence du spectacle. Je suis d'accord avec Catel sur la notion d'artisanat. Comme un artisan, un acteur, une actrice, ils ont des outils. J'aime beaucoup cette définition-là, plus que quelque chose qui serait de l'ordre, on est pénétré de quelque chose, on rentre dans la peau de quelque chose, on a une inspiration. Non, c'est très concret. On nous apprend des outils pour se tenir, pour penser à notre corps, pour penser à notre voix, pour penser à notre façon de travailler. Et ces outils-là, on les a vraiment presque comme dans une boîte à outils, quoi. Et c'est ça qu'on peaufine année après année, comme vraiment affûter ses armes, quoi. Et un peu comme Catel, moi je viens d'un milieu pas du tout artistique et du coup j'ai mis du temps à trouver mon chemin. J'ai d'abord fait une licence qui n'avait rien à voir, j'ai fait une licence en sciences cognitives, donc c'est beaucoup plus sur l'organisation des connaissances, le cerveau, tout ça, la psychologie. Et puis j'ai fait le Conservatoire de Lyon. J'ai commencé à travailler, mais je manquais et de réseau et d'outils. Et j'ai continué à passer les concours des écoles nationales. Et j'ai été pris à Rennes, là où j'ai rencontré l'équipe avec qui j'ai fondé ma compagnie, le collectif Bajour, et avec qui je travaille pour une bonne partie de mon métier maintenant. C'est avec ce groupe. Moi, ça fait 8 ans que je travaille maintenant. Nous allons faire deux pauses musicales, puis on se retrouvera juste après sur le 107. I didn't that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. About you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how. Comme des coups d'épée, comme une mélodie, laisse cette foudre en fer pour briser, en feu, en pierre, en bois, emmène-moi danser. Des coups de poing, des coups de tête, des coups de pied, des coups de fouet, j'ai le cœur serré. Coups d'éclat, sanglots assurés, des coups bas, emmène-moi danser. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi danser. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi danser. Emmène-moi, emmène-moi. La foudre a résonné comme des coups d'épée, comme une mélodie. Laisse cette foudre en fer pour briser, en feu, en pierre, en bois, emmène-moi danser. De retour sur les ondes de RGM avec Julien Catel et François. Marguerite Duras et Yann, c'était pas une romance épistolaire au début ? Ça a commencé dans une salle de cinéma. En fait, Yann Andrea lisait Duras et un jour, il y a une projection qui est faite dans sa ville, à Caen, et Duras est invité. Et à la fin de la projection, pendant le débat, il lui pose une question, puis il finit par lui demander qu'elle lui signe son livre, puis il lui demande même s'il peut lui écrire, elle lui donne son adresse personnelle. Et là, il se met à lui écrire. Et il lui écrit pendant 6 ans, avant de recevoir la lettre dont parlait Catel tout à l'heure, qui lui dira, qui l'autorisera à venir. Et le début ensuite de la romance commence à ce moment-là. Alors, combien de temps est-ce que vous avez mis pour écrire et mettre en scène la pièce ? Ça s'est fait en plusieurs étapes, c'était assez rigolo parce que j'ai fait part à Catel de ce désir de ce projet assez tôt. Quand j'ai lu ce texte, assez vite m'est venue l'intuition d'enlever les questions de la journaliste. Et pendant l'été 2018, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé les questions de la journaliste et ça m'a fait un monologue, ça marchait plutôt bien. J'ai appris le texte pendant tout l'été, en l'été 2019. J'ai appris ce texte-là pendant tout l'été et à la rentrée, on a fait une espèce de petite présentation avec Catel et là, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, qu'il fallait retravailler cette adaptation pour rendre ça plus cohérent, pour pas subir le fait que cette interview, elle a été faite en plusieurs fois. Donc Yann Andrea, il a quelque chose d'un peu répétitif, d'un peu cyclique, d'un peu obsessionnel et il fallait réordonner un peu ça pour remettre quelque chose d'un peu plus linéaire. Et du coup, on a pris le temps, une bonne semaine, pour retravailler le texte et la place de chaque phrase. Et ensuite, j'ai eu un bon mois pour réapprendre le texte. Et à partir de là, le spectacle a existé à peu près dans sa forme définitive. Est-ce que vous êtes assez exigeant avec vous-même ou dans l'écriture, etc. Oui. Et je suis assez exigeante avec Julien aussi sur ce spectacle. C'est-à-dire que comme le texte est issu d'une interview, il contient beaucoup de, par exemple, d'hésitations, des choses qui sont propres à l'oralité et qui sont très bienvenues au théâtre, qui passent très bien sur la scène. Et donc, du coup, la tentation serait grande de se dire, puisque de toute façon, le texte est approximatif à certains endroits et qu'il y a des hésitations, du coup, ça pourrait être la porte ouverte aux hésitations de l'interprète aussi. Et au contraire, en fait, Julien s'est vraiment attelé à être très précis dans cet apprentissage, à être au plus près du texte, tel qu'il est écrit, avec ses hésitations, mais aussi ses phrases très construites. Et on tient absolument à cela. Et donc, je lui fais réciter le texte souvent. Ça s'appelle « Des Italiennes ». Et je le reprends quand même assez précisément. sur les choses. Après, j'essaye aussi de lui laisser la liberté de si une phrase il l'a apprise d'une telle façon et au bout de la 40e fois, c'est toujours de cette façon-là qu'elle sort. À ce moment-là, on laisse les choses comme ça. Mais sinon, je le reprends beaucoup et je trouve ça très très beau parce que plus il est précis avec ce texte et plus il est libre dedans de se l'approprier et de le donner au plus près de lui. Voilà. Et c'est ça que j'appelle aussi l'artisanat. C'est que c'est pas une magie, c'est pas rentrer dans la peau de attendre d'avoir la grâce ou l'inspiration. C'est très technique en fait, c'est très précis. De même que on va travailler le cuivre, l'argent, l'or quand on est au joaillier. Nous ça va être pareil avec les mots, les consonnes, les voyelles, les syllabes, les volumes sonores sur les phrases. C'est aussi concret que ça. Et j'allais rajouter aussi que on a un goût avec Catel de pas qui est pas trop qui est une théâtralité qui soit pas trop bizarre, j'ai envie de dire entre guillemets, au sens où qu'un spectateur lambda puisse reconnaître ma façon de parler comme étant la mienne et pas une voix de théâtre ou une voix de personnage. Ça a été un processus assez agréable de rapprocher le texte de moi. Et je veux dire par là, en gros, de me forcer à me dire comment je le dirais moi, cette phrase-là, ces mots qui ne sont pas les miens. J'essaye de jouer le plus possible à faire comme si c'était moi qui le disais. C'est un peu bête à dire comme ça, mais c'est assez agréable de sentir chez certains spectateurs. Des fois, il y a des gens qui viennent nous poser des questions après et qui nous disent « Mais le texte, c'est vous qui l'inventez, c'est vous qui l'avez écrit, c'est vos mots à vous. » Et on aime bien ce trouble-là. De plutôt que de me glisser dans la peau d'un personnage qui serait Yann Andrea, c'est rapprocher Yann Andrea de moi. Et paradoxalement, du coup, on accède à un degré de vraisemblance qui est plus élevé que si on avait cherché à le composer, en étant comme ça, finalement, pas dans le souci de faire comme si. Être juste au plus près des mots et au plus près de soi. Et à quel moment vous êtes dit « Bon, là, c'est bon, on arrête, maintenant, elle est prête à être jouée sur scène, la pièce ?» Eh bien, en fait, on n'a pas eu le luxe de répéter longtemps et de se dire « c'est bon, maintenant, on le montre aux gens », puisque comme Julien l'a décrit, dans les étapes de fabrication de ce spectacle, très vite, on a confronté une première version à des spectateurs. Et après, derrière ça, on a retravaillé. Et moi, je me dis, je crois que c'est pareil pour toi, Julien, que je me dis là, cet été, que le spectacle, il est dans sa forme la plus aboutie possible. Et sa forme la plus belle aussi parce qu'on a la chance de jouer sur cette scène magnifique aux Têtes du Peuple et qu'on a la chance de pouvoir emprunter des éléments de la scénographie du spectacle Cyrano qui joue l'après-midi. Et c'est une chance incroyable et je sais qu'on n'aura plus ces conditions-là ailleurs. On n'aura plus jamais la chance de jouer dans un lieu aussi beau et de pouvoir emprunter ce grand rideau de soie blanche qui sublime le spectacle. Donc, voilà, je me dis, cet été, le spectacle, il a sa forme la plus aboutie, et dramaturgiquement, et esthétiquement. Et depuis combien de temps est-ce qu'on peut voir le spectacle, et jusque quand ? Alors, on a commencé à jouer le 11 août, qui était un vendredi. On joue les jeudis et vendredis et samedis, jusqu'au 2 septembre. Donc, on joue ce soir, demain et après-demain, et la semaine prochaine, jeudi, vendredi et samedi. On est à mi-parcours. On joue à 20h. C'est quoi la fréquence des répétitions que vous avez, hein? Parce qu'il faut quand même à chaque fois vous répéter avant chaque représentation ou pas? Alors maintenant que le spectacle il existe dans sa forme définitive, on répète pas, mais on s'assure, on se fait des italiennes, ce que disait Catel, on se repasse le texte. Avec Lucien qui a fait des très belles lumières, avec Étienne qui est au son, on répète des petits moments comme ça de technique où on a besoin de la lumière, du son et du jeu en même temps. Il y a deux petits moments comme ça qu'on répète chaque fois. On se retrouve à une heure avant le spectacle et puis on fait ces petites choses-là. Et on a eu 3 jours pour travailler à adapter le spectacle dans ce lieu avant le 11 août. Voilà, on a eu 3 jours de travail au plateau pour adapter sur cette scène si grande ce spectacle qu'on avait joué pour le moment dans des lieux plutôt petits, voire très petits. Et justement, est-ce que vous prévoyez de les jouer ailleurs ou pas ? Alors c'est un spectacle qui est un peu tout terrain, l'histoire jusqu'à maintenant nous a emmené dans plein de lieux très différents. On a joué dans des lycées, dans des cafés associatifs, dans des salles des fêtes, dans des médiathèques. Donc on espère pouvoir continuer à avoir voilà ces explorations un peu tout terrain. On va jouer à la fin de l'hiver, on va jouer à Quimper dans des lycées et dans une salle du théâtre de Cornouailles à Quimper. Et là, on est en train de peaufiner aussi des dates dans d'autres villes. Et on a à cœur comme ça de pouvoir autant le jouer dans des beaux plateaux comme le Théâtre du Peuple et de continuer à le proposer aussi dans des formes comme ça, tout terrain. J'ai vu quelques teasers sur le site du Théâtre du Peuple. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Ça a été tourné où? Alors, effectivement, le Théâtre du Peuple et nous, on a réfléchi à comment faire des actions culturelles. C'est un mot un peu étonnant comme ça, pour penser autour du spectacle, comment on peut faire des choses. Donc, on a fait une petite tournée dans des villages vosgiens où on a joué dans des petites salles. On a fait des ateliers de théâtre. Catel, elle a créé un podcast qu'on peut écouter. Il est en lien sur le site du Théâtre du Peuple et sur l'Instagram du Théâtre du Peuple. Et on leur a proposé aussi de faire des petites capsules vidéo qu'on utilise comme des teasers, comme des petites bandes annonces, où en fait on a pris des très courts extraits du texte. Et je suis allé tourner à Trouville, là où Yann Andrea a rencontré Marguerite Duras, au bord de la mer en Normandie, là où ils se sont rencontrés. Et donc du coup on a fait des petites images comme ça, très simples, des petites vidéos. Les représentations, les podcasts, je suppose que ça demande pas mal de temps, ça, où est-ce que vous trouvez tout le temps pour faire ça? Bah, c'est notre métier. Oui, c'est du temps, c'est du travail, et c'est un plaisir de le faire. On est accompagné par le Théâtre du Peuple pour mettre en place toutes ces actions culturelles, comme ça s'appelle. Le théâtre aussi nous a alloué un petit budget pour cela, parce qu'en général, c'est quelque chose qu'on fait bénévolement. Pardon. Donc, en général, c'est des choses qu'on fait bénévolement. Là, on a la chance de pouvoir avoir un petit budget qui accompagne le spectacle. Et voilà. Et ce projet de podcast, par exemple, c'est un projet auquel je réfléchissais depuis longtemps. Et avec le Théâtre du Peuple, on a eu cette occasion de le concrétiser et j'en suis très heureuse, mais c'est un projet que je vais continuer au-delà des représentations de cet été. Voilà. Est-ce qu'il faut réserver pour aller voir le spectacle? Alors, c'est mieux de réserver, effectivement, parce que y a une billetterie, tout ça. Il y a des gens très compétents qui vous répondront soit au téléphone. Vous pouvez le faire aussi sur Internet. Et la billetterie, elle est ouverte le jour même. Donc, si vous allez voir Cyrano, vous pouvez rester et acheter vos places le jour même. Vous pouvez arriver au théâtre un peu en avance pour acheter vos places sur place. Et c'est une grande salle. Il y a de la place. Ça n'est pas à guichet fermé. Mais bon, on conseille aux gens de réserver, oui. Si vous le souhaitez à vos auditeurs et auditrices, donc, c'est le 03 29 61 50 48. Et comme Julien l'a dit aussi, on peut réserver sur le site internet du Théâtre du Peuple, c'est théâtredupeuple.com, tout simplement. Effectivement, il y a de la place encore pour Je voudrais parler de Duras, donc n'hésitez pas à venir voilà, découvrir ce magnifique spectacle et cette histoire de passion incroyable. On n'a pas beaucoup parlé, pas du tout même, de Cyrano Bergerac qui se joue à 15h, parce que là, pour le coup, c'est un spectacle qui se joue à guichet fermé. Mais qui est magnifique. Il n'y a plus une seule place jusqu'à la fin. Mais il faut se rattraper en soirée, où en plus la température est plus douce, pour entendre voilà, ces mots d'amour. Effectivement, il faut quand même citer ce magnifique spectacle mis en scène par Rodolphe Dana et Katia Hunsinger, la compagnie Yanoua, qui ont fait un travail fantastique d'adapter ce très beau texte dans ce très beau lieu, et ça fait vraiment un spectacle hors du commun, comme ça, qui est très drôle, qui est très beau, Cyrano de Bergerac, et qui est complet. Ça, c'est quand même magnifique. Et ça redouble la magie de cette expérience estivale, de à la fois pouvoir jouer dans ce lieu mythique et magnifique qui est le Théâtre du Peuple, et dans le même temps être spectateur et spectatrice de ce magnifique spectacle qui joue l'après-midi et qui est Cyrano. Est-ce que vous avez des futurs projets par la suite après ce spectacle ? Oui, moi j'ai un travail de compagnie qui s'appelle Bajour. On est un collectif d'acteurs, on est 7. Et du coup, je partage mon temps entre ce spectacle sur Duras où j'ai beaucoup de textes à dire tout seul et ces spectacles avec le collectif où là on est du coup on est beaucoup au plateau, on fait des spectacles comme ça où ça fuse. C'est très agréable de faire ces deux choses-là. Et comme Julien, moi je fais aussi partie d'un collectif, un autre collectif qui s'appelle le collectif X, composé de mes anciens camarades de l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Et avec ce collectif, on lance plein de nouveaux projets qu'on espère pouvoir produire, créer, jouer. Et dans l'avenir plus proche, je vais vraiment essayer de donner un bel envol à ce projet de podcast qui est lancé depuis quelques jours et de le faire le mieux possible pour lui donner toute l'envergure à laquelle je rêve. D'avoir l'occasion de jouer encore ce spectacle, je voudrais parler de Duras, de le jouer dans des lieux différents, accueillants, et que l'aventure continue. Ouais, c'est ça. De pouvoir le jouer dans des beaux théâtres, dans des grands théâtres, et de pouvoir aussi de le jouer comme ça, au plus près des gens, dans des bars associatifs, dans des médiathèques. C'est des belles expériences, ouais. Auditeurs, on laisse Julien et Catel, on leur dit au revoir et merci d'être venus. Au revoir Laura. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Salut Radio Gémozo. Du coup, je vais continuer l'interview avec François. Alors François, qu'est-ce qui va se passer prochainement au Théâtre Le Peuple ? Alors nous sommes dans une période d'entre-deux, puisque donc Simon Delétang, qui a dirigé le lieu depuis 2017, donc nous a quittés au 31 décembre dernier pour aller diriger un autre grand théâtre à Lorient, de l'autre côté de la France, en Bretagne. Donc c'est lui qui a programmé cette saison, avec ce double programme Cyrano Bergerac et je voudrais parler de Duras. Et le tout début octobre va arriver la future directrice, parce que enfin c'est une dame, Julie Delisle, qui est comédienne, metteuse en scène, pédagogue, donc qui a été choisie par l'association et tous les partenaires publics qui soutiennent le théâtre, c'est-à-dire l'État, la région, le département, la ville de Bussan, la communauté de communes. Donc ensemble nous avons choisi à l'unanimité Julie Delisle, voilà, qui va prendre ses fonctions et puis donc va imaginer pour le Théâtre du Peuple tout un nouveau projet. Donc on est vraiment dans une période de transition. C'est pour ça aussi que l'association donc que je préside a dû, alors qu'on est plutôt en retrait, plutôt dans l'ombre, juste on est là pour accompagner les artistes directeurs, directrices et l'équipe permanente. Là on a dû se mettre un peu au devant, puisqu'il n'y avait plus de direction en physique, si je puis dire, depuis le mois de janvier. Et donc on est là avec le conseil d'administration pour accompagner la toute petite équipe, c'est 6 personnes, voilà, pour accueillir les plus de 800 spectateurs qui viennent chaque jour. Donc c'est énorme. Nous accueillons aussi, ce qui est très important aussi pour nous, des bénévoles, des personnes qui viennent de la France entière, qui viennent donner de l'énergie et de l'enthousiasme pendant 4-5 jours pour aussi nous aider à accueillir le public dès le parking, au bar, pour la vente des livres, des produits dérivés, pour placer les gens dans la salle, etc., etc. Voilà, donc l'association elle a été un peu plus visible, et puis dès que Julie aura pris ses fonctions, on va se retrouver l'ombre de la réflexion, si je puis dire. Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans un futur un peu plus lointain ? Ben là, le futur, c'est vraiment celui que va inventer Julie Delisle, donc qui a commencé à poser des pions, mais Julie prend vraiment son temps, ce qui est d'ailleurs très précieux. Elle veut pas plaquer un projet qu'elle aurait inventé toute seule dans son coin sur ce théâtre qui est tellement singulier, tellement différent de tous les autres théâtres de France. Donc elle prend le temps de rencontrer tout le monde, de rencontrer l'équipe permanente, de rencontrer l'association, de découvrir le terrain également. Donc petit à petit, elle va inventer son projet. Donc nous, on est là vraiment pour l'accompagner à tous les endroits de travail, que ce soit en interne, elle a envie de repenser les missions du théâtre, d'aller beaucoup plus au dehors, d'aller beaucoup plus à la rencontre des spectateurs, et puis aussi de l'accompagner dans la mise en place des spectacles, des projets, des invitations à d'autres artistes, etc. Donc c'est un gros, gros chantier. Je peux pas tellement vous en dire plus, parce que c'est Julie qui est en train d'écrire ces nouvelles pages. Mais ça, c'est notre gros chantier. Il y a aussi, nous accompagnons aussi l'État, la DRAC, et tous ces services des monuments historiques, qui a une grosse phase de travaux en ce moment au Théâtre du Peuple, donc qui a été évidemment suspendu pendant l'été pour accueillir les spectacles et les spectateurs. Il y a une nouvelle phase de travaux donc qui va se continuer jusqu'au mois de décembre. Il y a des salles de réunion, des bureaux, une buanderie qui vont être aménagées dans des pièces qui ne servaient plus à l'intérieur du théâtre du côté du parc, qui est le bar qu'on appelle le foyer Pierre Champ, va être aussi complètement refait, notamment pour être aux normes d'hygiène, mais aussi il va être chauffé et il y aura un petit gradin rétractable qui permettra d'accueillir pendant les périodes froides des petites formes pour un, deux spectateurs et pour une cinquantaine de un ou deux acteurs et une cinquantaine de spectateurs, pour continuer à faire en sorte que ce théâtre soit vivant tout le temps, 12 mois sur 12, et pas que l'été. On a aussi un autre gros projet, alors là qui va prendre beaucoup plus de temps, mais qui est vraiment passionnant et gros d'avenir, qui est juste à côté de ce qu'on appelle la Popote, qui est une maison donc là plus au cœur du village, à 200 mètres du théâtre. La Popote, c'est la maison d'habitation de l'équipe. On a plus d'une vingtaine de chambres, on a des salles à manger, on a une cuisine, etc. Et l'association a acheté la maison qui jouxte la Popote, qui est une maison malheureusement très abîmée et vraiment qui ne tient plus debout, et qu'on va en fait, dès qu'on le pourra, transformer en studio de théâtre. Donc avec une grande salle de répétition qui pourra accueillir plus de public également, avec une librairie, une bibliothèque théâtrale. Donc c'est un endroit pour travailler, pour créer, à la fois pour le théâtre, aussi pour tous les moments de transmission, comme je le disais, en direction des amateurs, des amatrices, des jeunes, du primaire au lycée et autres. Et puis c'est un lieu qu'on pourra partager aussi avec des compagnies professionnelles et amateurs de la région. Voilà, donc ça permettra de continuer à faire en sorte que l'activité soit bouillonnante 12 mois sur 12. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux, François ? Tout à fait, il y a une page Facebook donc dédiée au Théâtre du Peuple. Et puis il y a le site théâtredupeuple.com, donc qui vous permet, comme je disais tout à l'heure, de réserver pour les spectacles, qui vous permet d'avoir toutes les informations. On peut s'inscrire à une newsletter mensuelle. Il y a aussi, pour les personnes qui seraient loin, une visite virtuelle très très bien faite qui vous permet de vous balader à l'intérieur du théâtre. Mais si vous pouvez, là je m'adresse aux auditeurs et auditrices, venez voir le théâtre. Ça peut être évidemment à l'occasion des spectacles pendant l'été, mais il y a des visites guidées aussi toute l'année, les dimanches. Donc toute l'année, notamment pendant les journées du patrimoine à la mi-septembre, il y aura aussi des visites guidées directement plus liées à la question du patrimoine et de l'architecture. Donc il y a plein de moyens de rencontrer le théâtre. Si aussi l'envie vous titille, venez aussi aux ateliers amateurs qui ont lieu à Bussan, dans la Popote notamment, quand il fait froid. Et voilà. Et il y a plein d'endroits, plein de manières de rencontrer ce lieu, ce théâtre, la pratique théâtrale, les mots des poètes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous et à l'association ? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ce lieu continue à se déployer, à vivre. Il est gros, de plein de promesses. On a encore évidemment un énorme travail toujours à faire pour aller plus à la rencontre des habitants, des habitantes de la région. Parce qu'on sait bien qu'il y a des personnes qui habitent à 15 km de là, qui n'ont jamais mis les pieds au théâtre, ne serait-ce pour le visiter. Donc faire comprendre aux gens que ce lieu leur appartient, il est à eux, il est pour eux, que c'est un lieu tellement chaleureux, tellement humain, qu'il ne déclenche aucun effet d'intimidation, parce que parfois les gens ont peur d'aller au théâtre en disant « mais c'est pas pour moi, je vais pas être à la hauteur ». Dès qu'on rentre dans ce lieu, rien que le lieu vide, on a l'impression d'être chez soi. C'est un lieu vraiment incroyable pour ça aussi. Et évidemment, de visiter ce théâtre quand il y a des artistes et ont des histoires à vous raconter. Voilà, c'est vraiment un lieu à fréquenter. Pour ça, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à mener. Pour cela, évidemment, on est en dialogue avec nos partenaires publics qui nous subventionnent, parce qu'on est évidemment très contraints par les moyens. On est vraiment toujours sur une corde raide. C'est un théâtre qui fonctionne à 50% sur ses recettes propres, comme on dit, c'est-à-dire que c'est grâce à la billetterie, notamment de l'été, que ce théâtre peut exister. Si on avait un peu plus de moyens, on pourrait faire encore plus d'actions pendant l'année. Voilà. Mais ça, c'est notre dialogue permanent, continu, avec nos partenaires qui nous soutiennent déjà beaucoup. D'accord. Bah, cette émission est maintenant terminée. Merci Catel et Julien et vous, François, d'avoir été avec nous. Ben, merci surtout de votre invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que nous nous recontacterons pour parler du théâtre, par exemple. Avec grand plaisir, et puis avec Julie Delisle, donc qui va prendre très vite ses fonctions et qui pourra vous raconter ce qu'elle a dans la tête pour l'avenir de ce théâtre et des spectateurs et spectatrices. J'espère également que de nombreuses personnes iront voir le spectacle. Je voudrais parler de Duras qui se déroule depuis le 11 août et jusqu'au 2 septembre au théâtre Le Peuple de Bussan. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde!